إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها المسلمون والمسلمات اعلموا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يبارك وحده والبركة كلها منه سبحانه وتعالى والله عز وجل يبارك في من شاء من خلقه قال الله عز وجل وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون وكل ما نسب إليه سبحانه وتعالى فهو مبارك واسمه تعالى مبارك تنال معه البركة قال الله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام والله سبحانه وتعالى برحمته يأتي بالخيرات وبفضله عز وجل يضاعف البركات وليست سعة الرزق والعمل بكثرته ولا زيادة العمر بتعاقب الأيام والشهور والأعوام ولكن سعة الرزق والعمر بالبركة فيه والبركة ما كانت في قليل إلا كثرته ولا في كثير إلا نفعته ولا غنى لأحد عن بركة الله سبحانه وتعالى حتى الأنبياء والرسل يطلبونها من خالقهم وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه بالبركة في العطاء حيث قال عليه الصلاة والسلام في الدعاء المشهور وبارك لي فيما أعطيت كما في صحيح البخاري Chers frères et sœurs, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui a le don de bénir. Et il est le seul, azza wa jal, à détenir cette faculté. Et la bénédiction, toute la bénédiction, provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il bénit qui il veut parmi ses créatures. Et tout ce qui a attrait à Allah subhanahu wa ta'ala est béni. Son nom, subhanahu wa ta'ala, est béni. Et de son nom, les personnes puisent la bénédiction. Il dit, subhanahu wa ta'ala, dans le dernier verset de Sourate Ar-Rahman, « Béni soit le nom de ton Seigneur, plein de majesté et de générosité. » Et Allah, subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde, accorde les biens. Et par ses mérites, il décuple les bénédictions et la vasteté dans la pourvoyance. La vasteté dans la pourvoyance et dans les actes pieux n'ont pas lieu par la grande quantité de ceci. De même que la durée de vie qui se prolonge, elle n'est pas prolongée par la succession des jours, des mois et des années, mais la vasteté de la pourvoyance, ainsi que la durée de vie dans cette vie d'ici-bas, ont lieu et augmentent et se fructifient par la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque la bénédiction d'Allah azza wa jal est présente dans une chose en petite quantité, eh bien, elle la décuple. Et quand la bénédiction d'Allah azza wa jal est présente dans une chose abondante, eh bien, elle rend cette chose bénéfique par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nul ne peut se passer de la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même ses prophètes et envoyés demandaient la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, le prophète alayhi salatu wa salam, comme cela est rapporté dans Sahih al-Bukhari, a dit dans l'invocation célèbre de Al-Witr et de Dua al-Qunut, il disait alayhi salatu wa salam, et bénis-moi dans ce que, et bénis ce que tu m'as accordé, et bénis ce que tu m'as donné. والرسل والدعاة مباركون بأعمالهم الصالحة ودعوتهم إلى الخير والهدى قال عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ونوح عليه السلام لما أهبط ببركات من الله قال تعالى قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك ودعا نوح عليه السلام لما نزل من السفينة دعا ربه بالمنزل المبارك قال وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين وألقى الله عز وجل البركة على إبراهيم وآله فقال تعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق وبارك الله في أهل بيته في أهل بيت إبراهيم كما قال عز وجل رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد قال الإمام ابن القيم رحمه الله هذا البيت المبارك المطهر أشرف بيوت العالم على الإطلاق فلم يأتي بعد إبراهيم نبي إلا من أهل بيته وكل من دخل الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم. Et sachez que les prophètes et envoyés ainsi que tous ceux qui prêchent à cette noble religion sont des gens bénis et leurs actes sont bénis. Isa alayhi salam a dit alors qu'il était dans le berceau et il a fait de moi où il m'a béni où que je sois et il m'a ordonné d'accomplir la prière et la zakat tant que je suis vivant. Et Nuh alayhi salam, Allah azza wa jal l'a fait descendre de son arche accompagné de bénédictions. Il a dit subhanahu wa ta'ala, ô Nuh, débarque avec notre sécurité et nos bénédictions sur toi, ainsi que sur les communautés issues de ceux qui sont avec toi. Et Allah Azza wa Jal a béni Ibrahim alayhi salam ainsi que sa famille. Il dit subhanahu wa ta'ala, et nous lui fîmes la bonne annonce d'Ishaq comme prophète d'entre les vertueux, et nous les bénîmes, et nous le bénîmes ainsi qu'Ishaq. Nous le bénîmes, c'est-à-dire Ibrahim, ainsi que toute sa progéniture et toute sa descendance. Sa descendance également est bénie. Allah Azza wa Jalla a dit, les miséricordes d'Allah, ainsi que ses bénédictions sur vous, ô les gens de la maison, c'est-à-dire d'Ibrahim. Il est certes celui qui mérite d'être loué et le majestueux, subhanahu wa ta'ala. Et l'imam al-Qayyim rahimahullah a dit, cette maison, c'est-à-dire la maison d'Ibrahim, est une maison bénie et pure, et c'est la plus noble des maisons qui, ou c'est la maison la plus noble qui ait jamais existé. Il n'y a pas un prophète qui est venu après Ibrahim sans qu'il ne fasse partie des gens de sa maison, et tous ceux qui entrent au paradis parmi les alliés et les proches d'Allah subhanahu wa ta'ala y entreront car ils auront suivi la voie d'Ibrahim et auront bénéficié de son invocation bénie. ثم اعلموا أيها المسلمون أن القرآن العظيم كثير الخيرات وواسع المبرات كتاب مبارك مبارك محكم أنزله الله رحمة وشفاء وبيانا وهدى قال سبحانه وهذا ذكر مبارك أنزلناه وسورة البقرة سورة مباركة مأمور بتعلمها قال عليه الصلاة والسلام تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة والحديث رواه أحمد رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني رحم الله الجميع وسعة الرزق أيضا وبركة العمر في صلة الرحم يقول عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه من أحب أن يبسط له في رزقه أي أن يكون رزقه واسعا وكثيرا وينسأ له في أثره ينسأ أي يزاد ويؤخر له في أثره أثره أي في أجله في أجل حياته في هذه الدنيا فإذا أراد هذا إذا أراد البركة في الرزق والبركة في العمر فليصل رحمه والحديث رواه البخاري في صحيحه والصادق أيضا في البيع والشراء والمعاملات مبارك له في الكسب يقول عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما متفق عليه ولحرص الإسلام على الأسرة وحلول البركة فيها وحلول البركة فيها وعليها من أول نشأتها شرع الدعاء للزوجين بالبركة عند النكاح يقول أبو هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير وقال عليه الصلاة والسلام لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أنس قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك رواه الترمذي وهو حديث حسن وإذا دخل رب الأسرة شرع له أن يسلم حتى ينال أهله بالبركة Et sachez que le Coran est un livre noble, est un livre qui contient d'énormes bénéfices. C'est un livre béni, un livre sage. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a fait descendre comme miséricorde et comme guérison, ainsi que guidée pour tous ceux qui l'accepteront. Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ce Coran en disant subhanahu wa ta'ala, et ceci est un rappel béni que nous avons révélé, ou que nous avons descendu. Et la sourate de l'Baqarah est une sourate bénie. Il est fortement recommandé de l'apprendre et de l'étudier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, apprenez sourate al-Baqarah, sourate la vache, car le fait de l'apprendre est une bénédiction. De la délaisser sera un remords et ne peuvent la supporter les sorciers. Également, celui qui désire avoir une vaste pourvoyance, celui qui désire que ses biens soient multipliés et soient abondants, et celui également qui désire que sa durée de vie se prolonge dans cette vie d'ici-bas, Eh bien, écoutez ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui aime que sa pourvoyance soit augmentée et que sa durée de vie soit prolongée, alors qu'il noue le lien de parenté. Alors qu'il noue et qu'il préserve le lien de parenté. Également, celui qui est véridique dans son commerce, celui qui est véridique lorsqu'il vend et lorsqu'il achète, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala bénit leur argent, bénit leurs bénéfices. Le prophète alayhi salatu wa salam a donné à cela des conditions. Il a dit alayhi salatu wa salam, le vendeur et l'acheteur ont le choix tant qu'ils ne se séparent pas. Tant qu'ils ne se séparent pas, ils ont le choix de continuer la vente et de la conclure, ou bien ils ont le choix de l'interrompre sans aucune compensation. Le vendeur et l'acheteur ont le choix tant qu'ils ne se séparent pas. S'ils sont véridiques et qu'ils montrent, c'est-à-dire qu'ils ne cachent aucun défaut, alors Allah Azzawajal bénira leur vente. Et s'ils mentent et cachent, s'ils mentent dans leurs marchandises, et s'ils cachent des défauts invisibles, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la bénédiction de leur vente sera ôtée. Et c'est un hadith authentique apporté par Al-Bukhari Muslim. Et l'islam donne une énorme importance à la famille musulmane. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a légiféré d'invoquer en faveur du nouveau marié et de demander qu'Allah subhanahu wa ta'ala le bénisse, bénisse ce marié et qu'il rassemble ses époux dans le bien. Abu Huraira radiallahu anhu nous informe que lorsqu'une personne se mariait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait qu'Allah te bénisse et qu'il vous rassemble dans le bien. Il est également légiféré, lorsque tu entres chez toi, de saluer les gens de ta maison, en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala les bénisse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Anas ibn Malik radiallahu anhu, ô mon fils. Et Anas radiallahu anhu n'était pas le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était à son service, mais il a utilisé cette façon d'appeler qui est douce et qui est pleine de compassion et de gentillesse. Ô mon fils, lorsque tu entres chez ta famille, passe-leur le salam. Elle sera une bénédiction pour eux, ainsi que pour les gens de ta famille. Lorsque tu entres chez toi, dis donc assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne dis pas salut, ne dis pas bonjour, ne dis pas d'autres formules qui ne sont pas islamiques. Commence par le salam, qui est le salut des gens du paradis. Ainsi, ils seront accueillis au paradis, c'est-à-dire les gens du paradis. Ne sois pas donc influencé par toutes ces personnes qui malheureusement délaissent de plus en plus l'apprentissage de leur religion et ressemblent malheureusement de plus en plus aux non-musulmans. Ils voient que tu es musulman, mais ils te disent bonjour ou salut, parce qu'il a honte de Jean-Paul ou de Jean-Pierre qui est à côté de lui. Cela ne se fait pas de dire assalamu alaikum. Pourquoi ? C'est ton frère musulman. Et c'est un droit de ton frère sur toi. Et c'est un devoir pour toi de saluer ton frère. Le professeur Hassan a dit, les droits du musulman envers le musulman sont 6. Et le premier de ces droits, lorsque tu le rencontres, salue-le. Lorsque tu le rencontres, salue-le. والرجل مبارك والرجل المبارك هو الذي ينتفع به حيثما كان وإذا قرب العبد من ربه بورك له في وقته وعمل أعمالا كثيرة في زمن يسير وهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من منكم أصبح اليوم صائما قال أبو بكر أنا وقال عليه الصلاة والسلام من تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا ثم قال عليه الصلاة والسلام ما اجتمعت في امرئ إلا دخل الجنة رواه مسلم وقد ذكر بعض أهل العلم أن أبا بكر رضي الله عنه فعل هذه الأشياء كلها قبل صلاة الفجر ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه سألهم بعد صلاة الفجر وقد فعل أبو بكر كل ما فعل وهذا إن دل على شيء يدل على أن الذي يتقي ربه فإن الله عز وجل يجعله مباركا ويبارك وقته ويومه وأعماله إلى بني est celui qui profite aux gens où qu'ils soient. Et plus la personne se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus Allah azza wa jal bénit son temps ainsi que ses actes. Et cette personne pourra faire de nombreuses adorations dans un laps de temps extrêmement court. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses compagnons, « Qui parmi vous jeûne aujourd'hui ?» Abu Bakr a dit « Moi !» Qui parmi vous a suivi un cortège funèbre aujourd'hui ? Il a dit « Moi ! » Qui parmi vous a nourri un pauvre aujourd'hui ? Abu Bakr a dit « Moi ! » Qui parmi vous a visité un malade aujourd'hui ? Abu Bakr a dit « Moi !» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque toutes ces choses sont rassemblées chez un être humain, chez un homme, chez une personne, dans une seule et même journée, il entrera au paradis. » Et certains savants ont dit qu'Abu Bakr radiallahu anhu a fait toutes ces choses avant la prière du Fajr. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé ces questions après cette prière. Cela prouve que la personne qui craint Allah azzawajal, qui obéit à son Seigneur, qui s'abstient de lui désobéir, eh bien Allah azzawajal le bénira, il bénira son temps ainsi qu'il bénira ses actions. والبركة يتحراها العبد في مأكله ومشربه في يومه وليلته فالطعام المبارك ما أكلته مما يليك وتجنبت الأكل من وسط الصفحة وذكرت اسم الله عليه قال عليه الصلاة والسلام البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافيته ولا تأكلوا من وسطه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع بعد الفراغ من الطعام رجاء البركة قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم إنكم لا تدرون في أيها البركة وفي الاجتماع أيضا على الطعام بركة وفي التفرق نزع لها يقول وحشي بن حرب رضي الله عنه قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع فقال صلى الله عليه وسلم فلعلكم تفترقون قالوا نعم قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه وهو حديث صحيح رواه أبو داود في سننه وسيد المياه وأنفعها وأبركها ماء زمزم قال عليه الصلاة والسلام إنها مباركة Et sachez que l'être humain ou le musulman recherche la bénédiction et doit rechercher cette bénédiction dans sa nourriture, durant sa journée, durant sa nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant le repas, la bénédiction descend sur le milieu du repas. Mangez donc sur ses côtés et ne mangez pas au milieu. C'est-à-dire laissez le milieu jusqu'à la fin. Et lorsque vous mangez un repas, ne commencez pas par le milieu. Ou lorsque vous mangez un plat, ne commencez pas par le milieu de celui-ci. Et le prophète sallam a fortement conseillé à celui qui a terminé de manger de lécher ses doigts afin ou en espérant bénéficier de la mise de la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a justifié cela en disant car l'un d'entre vous ne sait pas où se trouve la bénédiction. Et également dans le fait de se rassembler pour manger, il y a la bénédiction. Et de manger séparément est une cause de ne pas bénéficier de la bénédiction. Wahsh ibn Harb a dit, en parlant des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit au envoyé d'Allah, nous mangeons mais nous ne nous rassasions pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, peut-être êtes-vous dispersés? Ils ont dit oui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, rassemblez-vous autour de votre repas et prononcez le nom d'Allah et Allah bénira pour vous celui-ci. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud. Et la plus bénie des eaux et la meilleure des eaux, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des eaux sur terre est l'eau de Zamzam. Et la plus bénie des eaux est l'eau de Zamzam, comme l'a dit le prophète alayhi sallatu wa sallam, elle est bénie et c'est la nourriture de celui qui désire manger. Hadith authentique rapporté par Muslim dans son Sahih. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، استفى الله من الدهر أزمنة ومن البقاع أمكنة، خصها بالتشريف والبركة، فليلة القدر ليلة مباركة، رفيع القدر عظيم المكانة. قال الله تعالى، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وأول النهار بعد صلاة الفجر، زمن غنيمة مبارك، ووقت نزول الأرزاق وحلول البركات. أقسم الله به في كتابه بقوله جل وعلا، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة في بدو الصباح، قال عليه الصلاة والسلام، اللهم بارك لأمتي في بكورها. والنوم بين صلاة الصبح وشروق الشمس تفويت لزهرة اليوم. Et sachez, chers frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi dans le temps des moments précis. Et il a choisi sur terre des endroits précis qu'il a spécifiés subhanahu wa ta'ala et qu'il a rendu béni et qu'il a rendu noble. À titre d'exemple, la nuit du destin est une nuit hautement élevée. C'est une nuit bénie et sa place est immense. Allah subhanahu wa ta'ala a dit en parlant du Coran, nous l'avons fait descendre dans une nuit bénie. Et le début de chaque jour, après la prière de l'Fajr, est un moment en lequel le musulman doit profiter. C'est un moment béni, c'est un moment dans lequel une personne peut acquérir de nombreux biens. Et c'est un moment dans lequel les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala sont à portée des musulmans. Et Allah azza wa jal a juré par ce moment de la journée. Ce moment de la journée, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans surat al-Takwir, par la nuit lorsqu'elle survient et par l'aube lorsqu'elle exhale son souffle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il fasse de ce moment de la journée, à savoir les premières heures de la journée après la prière de l'Fajr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh Allah, bénis ma communauté dans les premières heures de la journée. Le fait donc de dormir entre la prière de l'Fajr et le lever du soleil est une immense perte pour le musulman. أيها المسلمون، وإذا أظهر العباد ذنوبا تتابعت عليهم العقوبات، وكلما قلت المعاصي في الأرض ظهرت فيها آثار البركة من الله، وانتشار المعاصي وفشوها سبب لنزع الخيرات والبركات. قال الله تعالى، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وللمعصية أعظم تأثير في محق بركة المال والعمر، في محق بركة المال والعمر والعلم والعمل. قال ابن القيم رحمه الله: وبالجملة فالمعصية تمحق بركة الدين والدنيا، فلا تجد بركة في عمره ودينه ودنياه، ولا ينال ما عند الله إلا بطاعته، والسعادة في القرب من الله وبالإكثار من الطاعات، وبالإكثار من الطاعات تحل البركات، وبالرجوع إليه تفتتح لك أبواب الأرزاق. يقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que lorsque le serviteur commet des péchés, eh bien les sentences et les punitions d'Allah subhanahu wa ta'ala s'en font suivre. Et plus les bénédictions ou plus les désobéissances et les péchés sont moindres, et plus la bénédiction est palpable sur terre. Le fait donc de faire des péchés en grande quantité et la multiplication des désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala sont une des causes les plus grandes pour être privé des biens et de la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla a dit: et s'ils se maintiennent dans la bonne voie, nous les aurions abreuvés certes d'eau abondante. Plus tu crains Allah azza wa jalla, et plus Allah te donne, et plus il bénit tes actes. Et sachez que de faire les péchés a un effet direct sur la bénédiction de ton argent, sur la bénédiction de ton temps de vie, sur la bénédiction de ton apprentissage de la science et sur la bénédiction de tes œuvres. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, et pour résumer, les péchés suppriment et effacent, éradiquent la bénédiction de la religion et de la vie d'ici-bas de celui qui aura désobéi. Tu ne trouveras chez lui aucune bénédiction, ni dans son laps de temps de vie, ni dans sa religion, et ni dans cette vie d'ici-bas. Le bonheur n'est présent que dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, et le malheur n'est que la conséquence de ta désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-A'raf: et si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils ont démenti et nous les avons saisis pour ce qu'ils avaient acquis. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مباركا وأن يبارك فينا وعلينا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاردد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.